France Inter Régionale, le programme Nord-Picardie présente. La Sauvage de Jean Anouilh. Avec Geneviève Niche dans le rôle de Thérèse, Christian Ril Florent, Jacques Boyer Monsieur Tarde, Michel Manet Madame Tarde, Georges Berten Gosta, Fernand Kint Hartmann. Et les voix de Sigismond Blazinski, André Duhamel, Josette Emsen, Rosette Jourdain, Janine Mazingue, Marie Mourier, Yvonne Nice. Bruitage, Michel Verbard. Prise de son, Bernard Pouille. Assistante, Catherine Kleiss. Réalisation, Jean-Pierre Collat. Voilà, monsieur. Il est en retard aujourd'hui. Il m'avait prévenu. Il est allé chercher son impresario au train de 10h30. Il n'a pas peur qu'il ne revienne pas, quelquefois? Il y a des soirs où j'ai peur. Parce que tu sais, à moi aussi, on me l'a promis, le mariage. Le tout est d'arriver jusqu'à monsieur le maire. Je suis déjà si heureuse que si on n'arrivait pas jusque-là. Attention, attention. N'aie jamais l'air de croire que tu ne peux n'être que sa maîtresse. Et puis, quand vous sortez ensemble, tiens-toi, ma petite. Car il y a une chose qu'il ne faut pas que tu oublies, c'est que dans ta position, on n'est jamais assez distingué. Allons, allons, faisons vite. Il est minuit, nous allons jouer le final. Il est minuit, Thérèse. Oui? Tiens, ne le montre pas. Qu'est-ce que c'est? Regarde. Un flacon de parfum? Oui. Mais pourquoi? Tu as 20 ans ce soir, Thérèse. Il n'y a que moi qui me le rappelle ici. J'ai 20 ans? Justement ce soir? Demain. Mais il est minuit. Oh, tu es gentil, Gosta. Justement ce soir, tu sais, je voulais te dire... Gosta, où as-tu mis la partition du final? Impossible à la retrouver. Vite, monsieur Lebon vient d'arriver. Qu'est-ce que c'est? Un flacon de parfum. Il est gentil. Oh, je n'ai pas encore osé lui dire. C'est pourtant moi qui devrais lui parler. Mais puisque ton père a dit qu'il s'en chargeait, il va s'y prendre si bêtement. Qu'est-ce que tu veux? Tout le monde n'est pas forcé d'avoir deviné. Il n'a dit à personne qu'il était amoureux de toi. Non, le pauvre. Et ta mère, qu'est-ce qu'elle dit? Bon, ma mère, tu sais, pour le garder, elle ferait n'importe quoi. J'ai peur de me retourner. Il lui parle? Non, il se concerte. Gosta est au fond, il cherche sa musique. Oh, j'aime mieux ne pas être là. Papa, je sors une minute. Tu lui dis? C'est mon devoir. Ne reste pas trop longtemps, le patron est dans la salle. Se douterait-il de quelque chose? Il a l'œil mauvais. Non, il ne se doute de rien encore. Mais il faut le mettre au courant avant que Monsieur Florent vienne chercher Thérèse. Il serait capable de faire un esclandre. À l'orchestre? Bien sûr. Cela ne se serait jamais vu. Il était de bonne humeur au dîner? Pas très. Ah. Oh, après tout, je ne sais vraiment pas pourquoi nous aurions peur de lui annoncer cela. Qui est le maître ici? Je ne sais pas. Comment tu ne sais pas? Mais qui est ton mari, le directeur de cet orchestre, le père de Thérèse? En principe, toi. Comment en principe? Je serai ferme. Fais comme tu veux, mais s'il te donne un mauvais coup, ne t'étonne pas. Un mauvais coup? Un mauvais coup? Mais il faut être logique, sapristi. Est-ce que nous avons à le consulter pour marier notre fille? À quel titre? Aucun. Mais cela peut ne pas l'empêcher de t'assommer. M'assommer? M'assommer? Mais il exagère à la fin, ce garçon. Voilà 13 ans que je ferme les yeux sur sa liaison avec toi. Qu'est-ce qu'il veut, à présent? Tu sais comme moi qu'il tient à la tite. Toute la famille, alors? Je suis dans mon droit. Rien ne me fera reculer. Méfie-toi. Je te dis que je suis dans mon droit. Oui, mais tu sais comme il est violent. Méfie-toi quand même. Alors cela ne sert plus à rien d'être dans son droit maintenant. J'ai la partition. On commence? On va commencer. Combien a-t-il bu d'apéritif? Un seul. Bon. Vous avez lu dans le journal cette affaire, Cisneros? Oui. 12 morts. C'est épouvantable. oui. Au fait, on vous a dit pour la petite? Pour la petite? On ne m'a rien dit. Tu ne lui as pas dit? Non. Oh, mais il fallait lui dire, que diable! Viens, explique-lui donc. Je vais chercher Thérèse. Je vois Monsieur Le Bonze qui s'impatiente. Non, reste! Qu'est-ce que vous vouliez me dire au sujet de la petite? Eh bien, voilà. Oh, rien de grave, tu sais. Vous allez mentir tous les deux. Toi, tu as ta bouche de travers comme lorsque tu sens des coups dans l'air. T'es fou, qu'est-ce que tu racontes? T'es fou? Complètement fou! Des coups dans l'air? Mais quel coup dans l'air? Je me demande un peu. Qu'est-ce que vous lui voulez à la tête? Mais rien, rien du tout. Si, si, quelque chose. Je l'oubliais. Son bien. Vous savez, le célèbre maître France, le compositeur, celui qui a donné le récital le mois dernier au casino. Oui, eh bien. Ce monsieur Brun qui est venu ici plusieurs fois et qui a parlé à Thérèse, hein, c'est lui. Elle le connaît? Oui, dans les villes d'eau, on se lit vite. Il est très gentil, tu sais, Gosta. Et puis, il n'y a pas à sortir de là. C'est un maître. Un maître universellement admiré. Qu'est-ce que vous allez me dire? J'aime pas quand vous faites cette tête-là tous les deux. Nous en étions à Florent France, parlez. Gros talent. Je sais. C'est un de ces hommes qui nous ont fait notre réputation à l'étranger. Mais vas-tu parler, enfin? Pas de geste à l'orchestre, Gosta. Pas de geste à l'orchestre. C'est le bonheur de la petite, Gosta. Il faut l'assurer avant tout. Il va l'épouser, tu comprends? Il va l'épouser, c'est inespéré. Je m'en doutais. Lâche-moi, toi. Il y a assez longtemps que vous essayez de la vendre à quelqu'un. Il fallait que cela réussisse un jour ou l'autre. Tu dois toucher quelque chose, toi, là-dessus, hein? Vous êtes fou, Gosta, à l'orchestre. Si Monsieur Le Bonze arrivait... Je lui dirais quelle fripouille tu es et je te flanquerai la recette que tu mérites devant lui. Mais c'est insensé. Mais après tout, qui est le maître ici? Elle l'aime, Gosta, celui-là, je te le jure. C'est une gosse. Vous lui avez fait miroiter l'argent qu'elle pourrait avoir, un argent dont elle n'a même pas envie, parce qu'elle vaut mieux que vous. Et c'est toi, vieux débris. Mais qui est le maître ici? Thérèse, vite! Vieille loque, je voudrais être écrasé par terre, comme un ver. C'est cela, essaie d'être digne, arrange ta cravate. Ouais, enfin, sacré bleu, qui est le maître ici? Tu l'as chez Gosta. Tu ne sais pas ce que tu dis. Personne ne m'a forcé à l'épouser, je l'aime. Pourquoi ne l'as-tu pas dit? Je ne te l'ai pas dit parce que... Je ne sais pas pourquoi je ne te l'ai pas dit. Alors, c'est pour aujourd'hui ou pour demain le final? Pardon, monsieur Le Bonze, tout de suite. Gosta, à ta place. Le travail avant tout. Le travail avant tout. Tu vas te taire. Le travail avant tout, je n'ai rien de mal. Va au piano, s'il te plaît, Gosta. Je t'expliquerai. Et ma parole, vous commencez à en prendre à votre aise, tous. Nous attaquons, monsieur Le Bonze, nous attaquons. Vous y êtes? Un, deux, trois. C'est pas trop tôt. Et tâchez que ça ne se renouvelle pas, ces petites histoires-là. Tu vois, idiot, tu n'as même pas su t'y prendre. Pas su m'y prendre, mais si, je n'ai rien pris. S'il recommence, je sais. Pourvu qu'il ne me quitte pas. Tu ne crois pas qu'il va me quitter? Ah, ça, j'ai fermé les yeux pendant 13 ans. Mais s'il ne veut plus me bafouer, tu ne penses pas que je vais le retenir? Tu es un lâche. Tu me l'as déjà dit. Je te méprise, tu entends, je te méprise. Il ferait mieux de jouer en mesure. Rendez-vous au point d'orgue. Lâche, lâche. Et les dièses, c'est pour demain? Coq, vieux coq. À qui la faute? Attention, le voilà. Maître. Eh bien, Hartmann. Ce n'est pas la blonde. Non, bien sûr. Le père, c'est le bonhomme à la contrebasse. Les tinouilles. Et la mère au violoncelle. Vous êtes un garçon extraordinaire, Florent. D'épouser cette petite malgré ces deux personnages. Cette petite qui ne l'exigeait pas, je présume. Elle est ma maîtresse. Vous l'aimez? Cela me paraît une bonne explication. Elle est jolie, bien sûr, mais... Je suis un peu votre vieux mentor, Florent. Vous êtes sûr que ce n'est pas une bêtise? Sûr? Moi qui ne suis sûr de rien, j'ai pour la première fois une certitude absolue. Quelle chose merveilleuse. Et votre travail? Vous avez bien fait de venir me chercher. Depuis un mois, bien entendu, je ne fais rien. Si, vous perdez beaucoup d'argent. J'ai déjà payé pour 60 000 francs de dédit. Et si je vous disais que je n'ai pas touché une seule fois mon piano? Diable! Elle est très jolie, bien sûr. Je l'aime, Hartmann. Je commence à le croire. En tout cas, elle joue terriblement mal du violon. Oui, c'est vrai. Mais cela m'est égal. Je ne l'emmène pas pour la faire jouer du violon. Je l'emmène pour être heureux toute ma vie avec elle. C'est vrai? Vous dites exactement les mots que je prononce tous les matins en m'éveillant. C'est vrai? Et je me réponds bien vite. C'est vrai. Et c'est vrai? Je ne serais pas capable de me mentir tous les matins. Mon Dieu, qu'elle joue mal. Elle joue mal, Hartmann. Mais elle m'aime bien. Elle vous l'a dit? Jamais. Quand nous sommes seuls, elle se frotte la tête contre moi comme une petite chèvre. Elle me regarde tout au fond des yeux, comme elle dit. Elle prétend qu'avec moi, il n'y a pas besoin d'être très bonne plongeuse. Qu'on atteint tout de suite le fond. C'est vrai, Hartmann? Quelle chance que celle que vous aimez soit évidente et claire comme vous, Florent. Pourquoi? Pour rien. Ce serait trop long et trop difficile à vous répondre. D'ailleurs, je me suis promis de ne jamais vous parler de cela. Il ne faut pas qu'un doute vous effleure. Vous êtes charmant, Florent, et vous la rendrez sûrement heureuse. Hartmann, je vous somme de parler, vous me cachez quelque chose. Je sens que vous allez m'apprendre que je suis un monstre sans m'en douter. Peut-être. J'ai un vice que j'ignore. Enfin, dites tout, Hartmann, j'ai le droit de savoir, je suis à la veille de me marier. Une sorte de vice, oui. Son nom? Il en a plusieurs, la clarté, l'intelligence, la facilité, la chance aussi. Eh bien, mais tout cela me paraît charmant. C'est charmant. Mais je tremblais que vous aimiez un jour une fille soupçonneuse, exigeante, tourmentée. Quel bonheur qu'elle soit aussi claire que vous. Les parents sont magnifiques. Le reste de l'orchestre n'est pas mal non plus. Qu'est-ce que cela lui a fait, ce contact? Ce que tout fait avec elle. Un miracle. Cela aurait pu lui donner de la crapulerie. Cela ne l'apparaît que de force, de franchise, d'une sorte de virilité. De sa liberté des amants qu'elle a eus avant moi, elle a fait cette pureté sans masque ni retenue. Vous verrez, elle vous étonnera. Elle commence à m'étonner à travers vous. La pauvreté aussi aurait pu la rendre mesquine ou avide. Elle ne lui a donné que le détachement du luxe. Hartmann, elle n'a jamais voulu que je lui donne de l'argent pour s'acheter quelque chose. Elle coud ses robes elle-même et se met de la mauvaise poudre. Elle ne veut même pas que je lui fasse un cadeau. Elle est pauvre comme un petit rat. Vous la verrez tout à l'heure. Mais il ne faudra pas rire. Elle se confectionne elle-même d'incroyables petits chapeaux. Mais si vous l'épousez, elle va se laisser nourrir et habiller tout de même. Je l'espère. Je n'en suis pas très sûr. Hier, pour la première fois, elle a accepté de l'argent pour acheter des valises. Mais il a fallu que je me fâche. Elle serait bienvenue avec ses deux robes dans un carton. Ça doit vous plaire. Allons, je lui pardonne ses fausses notes. Dire que vous aurez tout réussi, Florent. Même votre amour. J'ai de la chance. Presque trop. On n'a jamais trop de chance. Quelquefois. Comme vous êtes venue tard aujourd'hui. Bonsoir, ma petite sauvage. Vous avez entendu ces pauvres bravos? Les voilà qui souffrent tous. Cela ne vous arrive pas à vous. Ces gens-là n'aiment pas la musique. Allons vite. L'interrogatoire. Vous avez pensé à moi aujourd'hui? Tout le temps. Vous n'avez pas dit à d'autres que vous m'aimiez? À mon ami. Je n'ai pas pu me retenir. Thérèse. Et jamais à moi. À toi, je ne veux jamais le dire. Mais si je ne le disais pas de temps en temps aux autres, cela m'étoufferait. Et pas d'arrière-pensée? Toutes tes pensées de devant. Dans mes yeux, sur mes lèvres. Devant eux? Ce personne, eux. Non, pas tout de suite. Pourquoi? Je vous dirai. Je vous présente Hartmann. Ce n'est que mon ami, mais quand nous nous rencontrons avec des hommes d'affaires, il fait semblant d'être mon impresario, parce qu'il est beaucoup plus fort que moi. Il me regarde avec des yeux terribles. Il ne va peut-être pas m'aimer? Si, j'en suis sûr. Mais il m'a dit qu'il avait peur que j'aime une fille soupçonneuse, exigeante, dure. En ce moment, il se demande si vous êtes tous là. Eh bien, le résultat de l'examen, Hartmann? 19. Elle est reçue avec mention. Vous êtes songeur. J'ai menti? Vous ne mentez jamais, Florent. Thérèse est parfaite. Thérèse est la seule fille au monde qui vous méritait. Mais ces yeux-là sont bien brillants. Ce petit front bien bombé pour tant de facilité. Il faudra l'aimer fort. Pourquoi dites-vous cela? Il me trouve un monstre. Il me croit incapable de rendre quelqu'un heureux. Il ne vous connaît sûrement pas. Si, depuis longtemps. C'est ce qui est grave. Pas comme moi. Moi, je l'ai regardé dormir près de moi. Je l'ai écouté rêver tout haut en se retournant. Eh bien, même dans ce royaume de la nuit, je suis sûre de lui. Et de vous, vous êtes sûr? Oui, monsieur. Vous croyez qu'il ne vous fera jamais de mal? Il est la bonté même. Et cela ne vous fait pas peur de rencontrer la bonté même, l'intelligence, la joie même? Vous êtes courageuse. Pourquoi me dites-vous cela? Hartmann est un vieux radoteur. Il ne faudra jamais l'écouter, Thérèse. Bonjour, monsieur Florent. Alors c'est demain matin que vous allez me prendre ma petite? Oui, madame. Le vilain, le vilain. Vous voyez comme la vie est bizarre. Je ne suis qu'un pauvre homme, maître. Et pourtant, je vous donne un trésor. Un trésor, chéri, qu'il est dur de perdre, allez. Et certainement, mon cher monsieur, tout ce que vous voudrez. Il vient de commander deux bouteilles, dont une pour l'orchestre. Alors ne remballez rien, ne bougez pas, je vais lui demander ce qu'il veut qu'on lui joue. Ça, c'est d'un coup de 2h du matin. Oui, mais du champagne. On la connaît. On lui comptera du brut et on nous servira du mousseux. Bon, alors, contre-ordre, vous pouvez tous partir. Allez, sauf Gosta. Il veut plus d'orchestre, seulement du piano. Il veut qu'on lui joue la troisième ballade de Chopin au piano. Il pleure, il dit que ça lui fera penser à sa petite sœur. C'est que justement, Gosta, nous avons une petite dispute. Je crois qu'il est déjà parti. Mais ce que vous foutez de moi, vous? J'avais dit que personne ne bouge. Allez, cours me le chercher, toi, en vitesse. Il doit être monté dans sa chambre. Bien, monsieur le bonze. Mais si vous vouliez aller calmer le client, il dit que si on ne lui joue pas tout de suite la troisième ballade de Chopin au piano, il va autre part se la faire jouer. Mais bon Dieu, il dit qu'on ne peut plus attendre. Je vous jure que si Gosta n'est pas là dans 5 minutes, je vous fous tous dehors demain matin. C'est la catastrophe. J'ai honte devant vous, maître, d'une telle désorganisation de cet orchestre. Nous avons eu des félicitations partout. Mais c'est un emporté, un brutal. Et il s'est mis en colère. Alors? C'est fermé chez lui. On ne répond pas. Il n'y a que moi qui peux le décider. Une minute. Viens, Jeannette. Bon, moi, j'ai pas de temps à perdre en supplication. Prends ma voiture et ramène-moi le pianiste du Royal. Quant à vous, vous pouvez plier bagages. J'aurai un autre orchestre demain. Monsieur Lebronze, je suis père de famille. Ben, je m'en fous. Non, écoutez, je crois que je peux arranger cela. Je vais lui jouer le morceau qu'il demande. Vous savez jouer seulement? Oui, un peu. Est-ce que vous avez là la musique de la troisième ballade de Chopin? Voilà, ça se prétend un pianiste, ça connaît même pas la troisième ballade de Chopin par cœur. Allez, c'est bon, jouez, puisqu'il n'y en a pas d'autre. Mais si le client n'est pas content, vous pouvez emballer vos pupitres. Oh, maître, je ne sais comment vous remercier. Daignez, dans cet établissement, à mon orchestre... Tenez, monsieur Florent, la partition. Oh, vous pouvez vous vanter d'être gentil, vous. D'habitude, mon vieux, c'est 20 000 francs. 20 000 francs, à mon orchestre. Il n'est pas chez lui. Le plongeur a dit qu'il l'a vu partir vers la plage. Mais qu'est-ce qu'il joue? Le maître Florent France, à mon orchestre. Mais tu es fou, papa, tu l'as laissé. Il a insisté. Et tu sais combien cela me coûte, ce remplacement? Enfin, combien cela pourrait me coûter? 20 000 francs. Oh, j'ai honte. Ça, mais pourquoi? Pour cet homme saoul dans ce café, tu aurais dû l'empêcher. Tu es une sotte. Je vais voir si monsieur Lebon est content. Florent, c'est drôle de le voir jouer là. Au fond, j'aurais bien voulu qu'il fasse partie de l'orchestre et que je me sois mise à l'aimer en jouant à côté de lui. Tu veux rire? Non. Oh, je sais bien que je peux arriver à ne plus penser à son argent. Mais c'était pas toujours facile. Pauvre chou, va. S'il était pauvre et malheureux, c'est drôle, il me semble qu'il serait davantage à moi. Ce serait un peu comme s'il était redevenu petit. Je pourrais le prendre contre moi, lui caresser doucement la tête, lui dire, ne sois pas triste, moi je suis là, moi je t'aiderai. Les malheureux, tu en trouveras d'autres, t'inquiète pas. En attendant, profite de celui-là puisque tu le tiens. Au revoir, Thérèse. J'espère qu'on se verra tout de même demain. Mais un conseil entre nous. Fais-toi acheter des diamants. Tous les diamants que tu pourras, ma petite. C'est encore ce qui se revend le mieux. Pourquoi me dis-tu cela? Pour rien. Bonne chance tout de même. Qu'est-ce qu'elle était en train de te raconter? Méfie-toi d'elle, c'est une traînée. Et surtout, ne sors jamais avec elle et Florent. Elle serait capable de te le soulever. C'est idiot ce que tu dis. Oh, ma petite, tu ne connais pas les hommes. Quand une femme qui sait s'y prendre s'offre à eux, surtout un délicieux garçon comme lui. Oh, quel joli geste il a eu, hein? C'est un ange. Comme tu vas être heureuse, gâtée, comblée. C'est un homme comme ça que j'aurais voulu, moi. J'ai beaucoup de déceptions avec Gosta, tu sais. Quand tu ne vas plus être là, qui sait s'il ne va pas me quitter? Enfin, ton bonheur avant tout. Laisse-moi t'embrasser, tiens. Nous n'aurons peut-être plus l'occasion d'être seuls. Tu es une petite fille, après tout. C'est le soir d'un mariage que cela sent, ces choses-là. D'abord, ce n'est pas encore un mariage. Ensuite, tu sais que les accès de tendresse étaient plutôt rares entre nous. C'est justement, ce soir tout s'est amassé, ça déborde. Ma petite, ma petite. Non, pas de comédie. Comme tu es dure. Mais mère, pourtant, tu devrais le savoir en le cœur tendre. Puis un tel soir. Mais il y a des recommandations qu'elle doit faire. Sois bien douce. Laisse-toi faire, n'aie pas peur. Allons, allons, tu sais bien que je ne suis pas une petite fille, cesse d'être ridicule, je t'en prie. Tu ne lui as pas dit au moins? Tu penses bien que si. Oh, et je ne voulais plus de toi, idiote. Enfin, voilà un mot de toi. C'est une affaire inespérée. Je ne te cache pas que je n'aurais pas cru qu'il t'épouserait. Embrasse-moi. Encore? Où veux-tu en venir? Avec les relations qu'il a, il faut qu'il te fasse une situation de premier plan. Ne renonce pas à ton art. Dans un an, tu dois être vedette. Je crois qu'il trouve que je joue mal. Ça ne fait rien, ça ne fait rien. Il te fera travailler. Ou bien, il peut te faire faire du théâtre. Laisse-moi, veux-tu maintenant? Attends un peu, voyons. Attends un peu. Comme tu es nerveuse. Je voulais te dire, tu sais dans quelle situation nous sommes. Tu sais aussi comme ton père est avare. Et comme il me laisse peu d'argent. Tu peux avoir l'occasion de me rendre service, sans qu'il s'en doute, naturellement. Qu'est-ce que tu vas me dire, toi aussi? Oh, rien, trois fois rien. J'ai attendu ce soir parce que ce n'était pas la peine de t'ennuyer avant. Et puis, je n'étais pas tout à fait d'accord pour la commission. Voilà. J'ai été voir Vinteuil, tu sais. Le grand joaillier de l'avenue de la plage. Tout ce qu'il y a de mieux, ma petite. Une succursale à Londres, une à Paris. Enfin, bref, je lui ai tout dit. Comment? Qu'est-ce que tu lui as dit? Eh bien que tu te mariais, et richement. Oh, mais tu n'aurais pas dû, je t'avais défendu. Oh, au fond, qu'est-ce que ça peut te faire? Faudra bien qu'on le sache un jour. Alors voilà, il va t'acheter une bague sans doute. Qu'est-ce que ça te pourrait te faire de lui dire « J'en ai vu une que j'aime chez Vinteuil ». Oh, mais attends, attends! Il y a justement un diamant et perles de toute beauté. Oh. Mais attends donc! Vinteuil en veut 25 000. Je lui ai dit que si tu disais que tu en avais envie depuis longtemps, il pouvait certainement en demander 30. Si ton fiancé marchande, bien entendu, il baissera. Mais il m'a promis la différence. Oh, tu me dégoûtes. Je te dégoûte, je te dégoûte. Allons, ne fais pas la mijaurée, tu ne l'as jamais été à ce point. C'est pas maintenant que tu as établi ta situation que tu vas commencer à le devenir. Qu'est-ce que ça peut lui faire à lui avec sa fortune? 2 000 ou 3 000 francs de plus ou de moins. Et pour moi, c'est inespéré. Et tu croyais que j'allais accepter de le tromper? Mais puisqu'il n'en saura rien. Mais même s'il n'en sait rien, surtout s'il n'en sait rien. Mais qu'est-ce que vous croyez donc tous? J'ai une proposition formidable à te faire. Le père Lebon, je n'en viens pas de savoir qui tape en ce moment sur son vieux gamot. Pense-y, Thérèse, en te rappelant tout ce que je t'ai sacrifié. Mais c'est entre nous, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'elle t'a dit? Tu sais, tu devrais te méfier d'elle. Mais pas une mauvaise femme, mais elle est bornée. Dis-moi, Poulette, sur la suggestion du père Lebonze, il m'est venu une idée magnifique. Il suffirait que tu retardes ton départ de 2 jours. Ce n'est pas le diable. Ne m'interromps pas avant de savoir. Voilà. Tu n'ignores pas que nous devons donner à la fin de la saison un concert au bénéfice de l'orchestre. Bon. À l'occasion de ton départ, Monsieur Lebonze accepte d'en avancer la date. Tu me suis? Oui, papa. Parfait, Fifi. Eh bien, voilà. C'est une affaire qui pourrait nous rapporter beaucoup d'argent à tous les deux. Je te retournerai naturellement ta part. Tu me suis? Bon. Voilà. C'est une idée qui m'est venue en voyant ton fiancé au piano. Et crois-tu que tu ne pourrais pas, à l'occasion de ce concert d'adieu, en lui disant que cela t'évoque des souvenirs, que par tendresse pour lui, tu aimerais le voir là, sur cette estrade où tu as si longtemps travaillé? C'est tout naturel, tu es tellement sentimental. Tout comme moi d'ailleurs. Ne pourrais-tu pas, dis-je, le décider, à titre gracieux bien entendu, à venir jouer un petit morceau ou deux avec nous, en famille? Ce serait tellement gentil. Toi aussi alors? Comment moi aussi? Toi aussi? Ta mère en a eu déjà l'idée? Va-t'en, va-t'en, je ne veux même pas te répondre. Mais qu'est-ce que vous croyez tous? Qu'il est une machine à vous faire gagner de l'argent? Qu'il faut que je ne pense qu'à son argent? qu'est-ce que tu veux quand on est pauvre? Mais on ne peut donc pas cesser de s'en occuper une fois de cet argent. On le voudrait, mais c'est bien difficile. Allons, ne fais pas la sotte, tu es aussi commerçante que moi. Ce n'est pas vrai! Vous avez essayé de me la prendre, mais pas avec lui. Tais-toi donc, tu as préféré la combine de ta mère parce qu'elle peut te rapporter davantage. Combien t'offre-t-elle? Va-t'en! Pas avant qu'on ne se soit mis d'accord. Mais va-t'en, je t'en supplie. Combien t'offre ta mère? Moi, je te donne les trois quarts. Tu vois, je ne suis pas exigeant. Florent, allons-nous-en! Qu'est-ce qu'il y a, Thérèse? Partons vite, s'il vous plaît, partons vite, que je ne les vois plus! Le voilà! Je vous le donne en mille où je l'ai retrouvé. Sur un banc au bout de la jetée. Hé, Lord Gustin, c'est comme ça que vous foutez le camp quand on a besoin de vous? Hein? Non, c'est bon. Les excuses, moi, je m'en fous. On parlera de tout ça demain matin. Laissez-moi vous remercier, monsieur. Oh, je... Ah, si, c'est sûr. On a beau dire, c'est du talent. Est-ce que Thérèse vous a parlé du petit projet que... Oui, tout à l'heure. Pensez-y, ça peut être intéressant, hein, pour vous comme pour moi. Alors, merci encore, monsieur. Et excusez-moi, mais dans la limonade, faut être debout à 6 h du matin. Je vais dormir. Bon, tu peux te dépêcher de ranger les chaises, hein. T'es pas en avance non plus. Éteins les grands lustres en attendant. Allez, bonsoir. Gusta, tu m'aimes bien, n'est-ce pas? Je suis heureuse ce soir. Je voudrais que tout le monde soit heureux avec moi. Je te présente monsieur Florent France. Tu sais, le compositeur. C'est Gusta, Florent. Un vieux camarade que j'aime fort. Alors, je suis très heureux de le connaître. Pourquoi ne voulez-vous pas me serrer la main? Qu'est-ce que vous lui voulez à cette petite? C'est insensé! Qu'est-ce que vous lui voulez à cette petite? Vous êtes fou, qui êtes-vous? Rien, je ne suis rien. Bien qu'un pauvre type qui l'a vu grandir et devenir ce qu'elle est, et qui ne voudrait pas qu'elle devienne une putain maintenant. Gusta, mon cher! Oh, c'est mal, tu sais, Gusta, c'est mal. Tu ne sais que penser cela, toi aussi. Il est riche, mais ce n'est pas ma faute s'il est riche. Non, bien sûr. C'est pas de ta faute. Mais comme par hasard, toi qui ne mets personne, c'est lui que tu aimes. Mais ce n'est pas ma faute si je l'aime. Non, bien sûr, c'est ton instinct. Je te croyais propre, mais tu reniflais l'argent avec ton sale petit museau comme les autres. Seulement toi, tu te réservais pour quelqu'un de vraiment riche, voilà tout. Mais enfin, qu'est-ce que vous avez tous? Je l'aime. Bien sûr, tu l'aimes. On en est tous sûrs que tu l'aimes. Il est riche d'abord. Comment veux-tu ne pas l'aimer? Oh, tu es odieux. Va-t'en. C'est bon. C'est bon, ne t'impatiente pas. On va tous s'en aller. On va te débarrasser le plancher. On est plus bon pour toi, maintenant. Qui aurait dit que toi aussi? Oh, c'est bête. Tais-toi, mon chéri, tais-toi. Tu sais bien que quand tu te mets en colère, tu es malade pendant 8 jours. Emmène-le, maman. Va-t'en, Gusta, je t'en supplie. Tu es fou, tu sais. Je suis fou, c'est cela. Je suis fou. C'est ce qu'il y a de plus commode, je suis fou. Mon pauvre gros chéri, ne fais pas ses yeux, allez, viens. Mais oui, je sais, tu as mal, je sais. Mais quel est cet homme? C'est un pensionnaire récalcitrant. En qualité de directeur de cet orchestre, je m'excuse. Laisse-nous toi aussi. Soit, je te charge de m'excuser. C'est un musicien d'ici, il joue depuis longtemps avec papa. Il m'a vu grandir, il m'aime beaucoup, il est simple, violent. Il s'est figuré qu'on m'avait poussé, que je ne vous aimais pas, que je me donnais à vous pour votre argent. C'est pour cela qu'il criait. Mais votre mère... Oui, je ne pensais pas vous apprendre cela aussi tout de suite. Maman l'a appelé mon chéri. C'est une vieille situation, c'est son amant depuis longtemps. Je vous demande pardon, Thérèse. Il ne faut pas. Je vous dérange encore, les amoureux. Il est calmé. Que voulez-vous? C'est un vieux fou. Il va se coucher, ça ira mieux. Je venais chercher mon sac, j'ai décaché l'aspirine, ça lui fera du bien. Oh, les hommes sont terribles, cher monsieur, tous les mêmes. Je le chantais déjà à l'âge de Thérèse, quand j'ai débuté au café-conseil. Qu'est-ce qui n'a son ocarina, c'est nana. Oui, nana qui n'a son ono, son ocarino, son nana, son ocarina. Mais où l'ai-je mis, ce sac? Au vestiaire, peut-être. Il me tarde de vous emmener, de vous sortir d'ici, de vous sortir d'eux, Thérèse. Oui. Vous verrez comme vous serez bien dans ma maison. Oui, je serai bien. Ma sœur est claire et pure comme vous. Elle sera votre amie. Ma tante, vous verrez, est la plus ravissante vieille dame de la terre. Qu'est-ce qu'il a son ocarina, c'est nana. Oui, nana qui a son nono, son ocarino, son nana, son ocarina. Je la cache vite. Elle est laide. Elle est vulgaire quand elle chante ses obscénités. Et puis cette histoire d'amant. Oui, Thérèse. Mais cela a si peu d'importance. Nous effacerons tout cela. Vous croyez que vous pourrez? Oui, ma chérie. Mais ne soyez donc pas si fière de votre force, si sûre de vous. Oh, pardon, Florent, mais si vous saviez comme elle est horrible. Mon père aussi. Si je vous racontais toutes les histoires que je sais... Oh, mais tu trembles, Thérèse. Tu me les as pourtant fait voir sans honte depuis un mois. Jusqu'à tout à l'heure, c'est drôle, je ne savais pas. J'étais innocente. C'est eux qui viennent de m'apprendre cela aussi. Quoi, cela? Ce que j'étais, ce que vous étiez. Oh, ma folle. Mais je ne suis rien que ton amant. Ton amant à genoux devant toi. Qui est un miracle bien plus étonnant, je t'assure, que l'argent et la bonne éducation. On t'a donc jamais dit que c'était toi qui étais riche? Je suis pauvre, Thérèse. Regarde-moi. Donne-moi un petit sou. Comme vous êtes gentille et habile. Relevez-vous. Tout à l'heure, je croyais que j'étais quelque chose, oui, malgré votre argent. Je l'ai dit à la fille qui jouait avec moi. Elle a bien ri. Je la comprends maintenant. Ma sotte. Comment une fille comme toi, si libre, si fière, pourrait-elle être atteinte une minute par une histoire d'argent? Pas seulement d'argent. Oh non, Florent. Tout à l'heure, vous m'auriez sûrement consolée. Maintenant, votre façon même de le faire, si délicate, si juste, me blesse un peu. Je ne te comprends plus, ma chérie. Oui, c'est drôle, moi non plus, je ne me comprends plus très bien. Tout à l'heure, quand vous avez voulu vous battre avec ce pauvre Gosta, je savais que vous étiez plus fort que lui avec votre air de fille. J'aurais dû être fière de vous puisque je vous aime. Je vous ai presque détesté d'être aussi le plus fort de cette façon. D'être toujours le plus fort. Mon petit sot, voilà que tu m'en veux parce que je suis fort maintenant. Veux-tu que je provoque ce garçon de café et qu'il m'assomme pour que tu m'aimes? Vous avez raison de rire. Ce sont des bêtises, n'est-ce pas, Florent? Je vous aime pareil, dites. Je vous mérite, je vous ressemble, dites, je ne suis pas comme eux. Non, Thérèse, je te le jure. Et vous avez honte à cause d'eux? Pas une ombre de honte, ils me font rire. Mais qu'est-ce que j'ai alors? Dites, qu'est-ce que j'ai? Je ne suis pas heureuse de la même façon. Mon petit, mon pauvre petit, tout te fait mal. Couple délicieux. Oh, vous me rappelez mes 20 ans. Embrassez-la donc, embrassez-la donc. La petite est tout à vous. Pour qui nous prenez-vous, cher monsieur? Nous sommes entre artistes. Oh, d'ailleurs, moi aussi, je suis une bête d'amour. Maman! Son bonheur! Nous n'avons jamais pensé qu'à son bonheur. Nous ne sommes pas des parents comme les autres. La seule question, nous vous l'avons, c'est... Ce départ brusque qui, du point de vue professionnel... Mais vous allez prendre une autre violoniste pour la remplacer. Il n'en manque pas. Certes, certes. Mais la question n'est pas là, hélas. Elle plaisait beaucoup ici. Et malheureusement, je ne vous le cache pas, le patron, M. Lebonze, nous a donné notre congé pour le lendemain de notre départ. Financièrement, c'est une catastrophe. Ah, mais je tiens à remédier à tout cela. C'est tout naturel, puisque c'est ma faute si... Ah non! Comment non? Pourquoi non? Oh, voyons, Thérèse, ton fiancé lui-même dit que c'est tout naturel. Ah non, pas encore cet argent. Vous m'avez fait assez de mal avec lui, vous m'avez fait perdre assez de bonheur comme cela pour aujourd'hui. Je ne veux pas d'argent. Et puis je ne veux pas non plus que vous ayez l'air extasié de la sorte parce qu'il veut bien m'épouser. Je suis belle, j'ai 20 ans, je l'aime, cela vaut sa gloire et son argent. Il ne faut plus qu'il soit question de cet argent. Vous m'en avez donné pour m'acheter des valises hier, je ne le veux même pas. Ne l'écoutez pas, ne l'écoutez pas. Thérèse, Thérèse, voyons Thérèse, ma petite. Tenez, tenez, le voilà, tenez, tenez, tenez. Ne bougez pas, je vous le défends. Mais tu es folle. Mais puisqu'il te l'a donné, quelqu'un pourrait entrer. C'est malin. Oui, je suis folle. Voilà. ma chérie, tu es merveilleuse. Mais quelle importance a-t-il l'argent? Nous n'en parlerons plus jamais. Nous n'en aurons même pas, si tu veux. On peut très bien vivre sans argent. Tiens, tiens, tiens, tiens. C'est simple pour toi. Je suis toute froide de honte et tu joues un joli jeu. Allez, allez, plus d'argent, plus d'argent, plus d'argent. Dorénavant, nous ne saurons plus ce qu'est l'argent. Oh, mais c'est trop, c'est trop. Garde les portes. Voilà, mon chéri. Tu veux bien que je t'embrasse maintenant? Je n'ai plus un sou sur moi. Regardez-les tous les deux. Ça leur fait mal, ces billets par terre. Comme vous les avez gentiment jetés, Florent. Nous n'avons pas ce talent, nous autres. Regardez ces têtes. Je suis une imbécile d'avoir commencé. Moi aussi, malgré moi, cela me fait mal, cet argent par terre. Je me suis trop piqué les doigts avec mon aiguille. Je suis restée trop longtemps courbée sur des étoffes à en avoir mal aux reins pour n'en gagner qu'un peu. J'ai voulu faire la fière, mais je mentais. À genoux. À genoux, je dois les ramasser à genoux pour ne pas mentir. Je suis de cette race. Mais c'est impossible. Ma folle. Mais c'est cela! C'est cela! Elle est folle. Occupez-vous d'elle. Nous allons tout ramasser pour vous le rendre. Il faudra faire bien attention, Florent. Je ne sais plus dans quel fauteuil je me suis endormi hier. Il était extraordinaire. Et ils sont tous très bons, d'ailleurs. Cela doit valoir quelque chose, des fauteuils comme ça. Non, celui-là, je l'ai déjà essayé. Au fond, cette particulière sensation de bien-être devait plutôt venir du dîner. Merveilleuse, la poitrine farcidière. La truite de ce matin n'était pas mauvaise non plus. Ces cigares. Il a du goût, ton fiancé. Laisse-en quelques-uns. Pour qui me prends-tu ? Je suis un rigolo, mais je connais mon monde. Tu ne t'assois pas. Le petit fauteuil près de la cheminée n'est pas mauvais. Cela vaut au moins 9,50 francs un cigare de cette taille. Cela fait plus de 12 voltigeurs. Ça ne t'épate pas de voir ton père fumer 12 voltigeurs à la fois. Si Madame Tarde, qui me faisait une scène pour un misérable ninas, pouvait me voir, mon bonheur serait à son comble. Tu lui as écrit, j'espère. Et toi ? C'est ta mère. Moi, j'ai été très pris ces jours-ci, les promenades, la sieste, les repas. Il y a du poulet à la milanaise ce soir. Comment le sais-tu ? J'ai été le demander à la cuisinière, pardi. Du poulet à la milanaise. T'as une idée de ce que ça peut être, toi ? Dis, fillette, tu as une idée de ce que cela peut être, du poulet à la milanaise ? Hein ? Tu ne veux pas me répondre ? Hein ? Tu n'es guère aimable avec ton père. Entre nous passe encore, j'ai l'habitude. Mais les étrangers doivent trouver cela rudement drôle. Après tout, je ne sais pas ce que tu me reproches. Je suis propre. Je me tiens bien, j'ai de la conversation. Essaie de chercher parmi les pères de tes amis quel est celui qui serait capable de porter le smoking avec mon aisance et de fumer d'un air naturel un cigare de 9,50 francs. Naturellement, tu préfères ne pas me répondre. Tu adores m'humilier. Mais je te défie de me citer un nom. Mais que fait ton fiancé aujourd'hui ? Il ne nous quitte pas après le déjeuner d'habitude ? Je ne sais pas. Il s'est enfermé avec Hartmann. Dis-moi, mais si le travail ne va pas revenir de si tôt, tu pourrais peut-être servir la fine toi-même, hein ? Après tout, tu es la jeune fille de la maison, hein, Fifi ? Non. Me servir moi-même serait peut-être moins correct. Enfin, nous sommes à la campagne. Je te défends d'ouvrir cette cave à liqueur. Non, mais enfin, qu'est-ce que tu as depuis ce matin ? Je me demande pourquoi tu as insisté l'autre jour pour que je vienne ici, si ton intention était de me rendre la vie intenable. Ton fiancé, Hartmann, se sont charmants avec moi. Toi seul me bats froid. Et sais-tu seulement pourquoi ? Je vais t'étonner, fillette. Mais tu ne le sais pas. Oh, c'est entendu. Tu prends ton père pour un imbécile. Mais alors, veux-tu lui expliquer à l'imbécile une chose qu'il ne comprend pas très bien ? Voilà. En principe, je te fais honte, n'est-ce pas ? Bon. Il y a 6 jours, 6, 2 fois 3, que nous sommes ici. Il y a donc eu 5 jours, les premiers de notre séjour dans cette maison, où je ne t'ai pas fait honte. Tu me diras que je ne suis pas obligé de te faire honte tous les jours. Mais je te répondrai une chose, Poulette, en toute franchise. Si à un certain moment, ce qu'a dû ne plaise, ma conduite a été susceptible de te faire honte, c'est pendant les 2 ou 3 premiers jours de notre séjour ici qu'elle aurait dû le faire. Oui, je te l'avoue, le premier jour, J'ai été ébloui. Ces serpents magnifiques, ces fauteuils, ces cigares à discrétion, cette fine qu'on nous servait régulièrement, alors. Bref, au premier dîner, par exemple, tiens, je lâche le mot, j'ai été ignoble. J'ai appris 5 fois de la mousse au chocolat. J'ai laissé tomber un anchois dans mon verre, j'ai roté. Quand ce malheureux renvoi m'a échappé, ton fiancé qui a de l'éducation a détourné la tête. Toi, tu as ri. Tu applaudis avec ostentation. Tu m'as crié à ta santé, papa. N'iras-tu maintenant que tu m'as crié à ta santé, papa? Oui, je l'ai crié. N'iras-tu qu'au salon, exploitant la faiblesse bien compréhensible d'un vieil homme à qui la vie a tout refusé? Tu m'as fait prendre 4 cigares. Tu m'as servi 7 fois de la fine pour me griser comme une midinette à qui on veut faire dire des bêtises. Des bêtises que j'ai dites naturellement. Quand j'ai bu, j'ai la chansonnette facile, mais tout de même. La chansonnette et chansonnette. Si tu m'avais rien dit, j'aurais peut-être chanté le temps des cerises. Pas du tout. Tu as insisté pour que je chante une gaudriole, pour me faire faire les gestes. Et tu riais comme une folle. J'en suis gêné moi-même quand j'y repense. N'iras-tu ta conduite de ce premier soir? Non, papa. Bah, tu avoues alors qu'elle est en complète contradiction avec les reproches que tu me fais aujourd'hui pour des bêtises. Oui, papa. Peux-tu me dire dans ce cas ce que signifie ce soudain changement d'attitude? Je vais te répondre comme toi lorsque j'étais petite. Si on te le demande, tu diras que tu ne le sais pas. Comme c'est malin. Ben, je ne suis pas petit, moi. Si on me demande, je rougirai et je dirai que je suis un père qui n'a pas la confiance de sa fille. Monsieur, prie mademoiselle de l'excuser une minute encore. Il demande que monsieur et mademoiselle veuillent bien commencer à prendre le café sans lui et sans monsieur Hartmann. Dites-moi, madame, la cave à liqueur est fermée? Non, monsieur, elle n'est jamais fermée. Ah, tu vois. Et je vous remercie 1000 fois, madame. À votre service, monsieur. Vous êtes bien aimable, madame. Et pour moi, ce sera de la fine. Tu ne prends rien, poulette? Non, rien. Alors je me sers un peu d'armagnac. Je serais curieux de faire la différence avec la fine. Rabat, hein? Comme tu les aimes. Où as-tu pris cette cravate? Elle n'est pas à toi. Je ne l'ai pas prise, c'est ton fiancé qui me l'a donnée. Tu la lui as demandé? Pour qui me prends-tu? Il l'avait au cou. Il lui a simplement dit qu'elle était fort belle et qu'elle avait le même filet mauve que mon costume, c'est ce qui est parfaitement exact. Tu peux le vérifier. Alors, je ne sais pas ce qu'il lui a pris, il a éclaté de rire. Il l'a sorti de son cou et me l'a donné. Quel original! Et quel cœur sur la main. C'est une cravate qui vaut au moins 50 ans. Comme tu es heureux, toi, ici. Au point que je n'ose pas m'avouer mon bonheur. Pourquoi? J'ai peur que tu me renvoies. Et moi? J'ai l'air d'être heureuse? Oh, toi, tu es tellement bizarre. Il y a longtemps que j'ai renoncé à savoir quand tu étais contente et quand tu ne l'étais pas. Crois-tu que si j'étais venue ici avec l'intention d'être heureuse, j'aurais insisté pour t'emmener, papa? Bah, pourquoi n'aimerais-tu pas les jeux de la famille tout comme une autre, fillette? Ne fais pas l'imbécile, tu ne l'es pas. Cela ne te paraît pas drôle que j'ai voulu t'emmener? Tu ne te poses pas de questions le soir, après ton dernier verre de fine dans ton lit à baldaquin? Oh, tu sais, je ne suis pas curieux, moi. Tu me veux, je suis là. D'ailleurs, je m'endors si vite après le dîner. Cela ne te paraît pas drôle non plus que je t'ai poussé à être vulgaire, à être obscène? Attention, attention, n'exagérons rien, je n'ai pas été obscène. Si, papa. Et j'avais envie de crier, je me suis plus d'une fois mordu les lèvres jusqu'au sang pour ne pas pleurer. Saperlotte, mais tu aurais dû me le dire, petite. Moi, quand je suis en verbe, je ne me rends pas compte. Non. J'aurais voulu que tu fasses plus fort encore. Que tu te déculottes pour nous faire rire. Que tu sois malade, que tu vomisses à force de boire. Oh, mais tu es effrayante, Thérèse. Thérèse, regarde-moi. Oui. Qu'aurait dit ton fiancé si j'avais vomi sur ses tapis? Tu l'aurais tellement dégoûté, sans doute. Et moi aussi, ta fille qui t'encourageait et riait de te voir faire, qu'il nous aurait flanqué à la porte, tous les deux. Tu as pensé cela? C'est épouvantable. Et le mariage, alors? Raté? Bien sûr. Tu as essayé de faire rater ton mariage sciemment? Mais pourquoi? Je suis ton père, après tout, j'exige que tu me dises pourquoi. Je deviens fou. Il faut absolument que je comprenne pourquoi. Cela, c'est vraiment au-dessus de tes forces, papa. Un monstre. J'ai enfanté un monstre. Un monstre d'orgueil. Tu crois que je suis orgueilleuse? Du côté de ta mère, ils sont plats comme des punaises, mais du côté des tardes, l'orgueil est indomptable et c'est de moi que tu tiens, fifille. Ce serait de la chance, papa, si ce n'était que de l'orgueil. Bah, que veux-tu donc que ça soit, sinon de l'orgueil? C'est le seul sentiment qu'on puisse éprouver avec une telle violence devant un homme qu'on n'aime pas. Mais qui t'a dit que je ne l'aimais pas? Bah, crois-tu donc si tu l'aimais, tu t'amuserais à faire vomir ton père devant lui pour le dégoûter? C'est pourtant cela, papa. Non, non, je me refuse à croire une telle chose. Aimez-moi aussi, ma petite. Pas ta mère. Plus tard. Maintenant que tu es grand, je peux bien te le dire. Une harpiste qui a fait un moment partie de l'orchestre. Une longue créature d'un chic inimitable. Eh bien, je te jure que pareille complication ne me serait pas venue à l'idée. Mais, pourtant, d'un sens, je suis plus passionné que toi. Il ne te serait pas venu à l'idée non plus d'être exprès grossier, exprès méchant, de te cramponner de toutes tes forces à ta pauvre révolte. Ma révolte? Mais quelle révolte? Explique-toi, nom d'une pipe. Tu es en train de me dire des choses extrêmement graves et tu t'arranges pour que je ne les comprenne pas. Contre qui es-tu révolté? Allons, fillette, dis-moi cela posément. Je sais ce que c'est que les amoureuses. Contre lui et contre tout ce qui lui ressemble ici. Tout ce qui lui ressemble? Qu'est-ce qui lui ressemble? Sa maison, qui n'a l'air si claire et si accueillante le premier jour que pour mieux vous faire comprendre après que vous n'êtes pas fait pour elle. Ces meubles dont aucun n'a l'air de vouloir de moi. Papa, je cours quand je traverse le salon toute seule. Chaque fauteuil m'adresse un reproche de vouloir m'implanter ici. Et toutes ces vieilles dames dans ces cadres. Il y en a de fort nobles, ma foi. Je me promène nue tous les soirs devant celle de ma chambre. Cela me paraît un enfantillage déplacé et sans portée véritable. Et ces livres? Tiens, ces livres qui sont tous ses amis, pire, ses complices, qui lui ont parlé, qui l'ont aidé à devenir lui. Ces livres qui le connaissent mieux que moi et que je ne connais même pas, moi, pour me défendre. Oh, mais je les ai déjà repérés de dos, va, si je ne les ai pas lus. Oh, mais dis donc, c'est bien simple, tu n'as qu'à les lire, fillette. Je me lève le matin avant tous les autres, depuis 3 jours. Et je viens ici, sans ouvrir les persiennes, pour essayer. Seulement, il ne me parle pas à moi comme à lui. Il faudrait qu'il m'explique. Je ne veux pas. Oh, mais il ne faut pas qu'ils croient qu'ils me font peur. Tiens, regarde ce que j'en fais de ces livres. Tiens, celui qu'il fait pleurer parce qu'il est allé vendre des fusils en Afrique. Tiens, tiens, tiens ceux-là qu'ils font rire et pas moi. Fillette, fillette, tu es folle, tu vas les abîmer, voyons. Molière, qu'est-ce qu'il a bien pu te faire, Molière? C'est un fabuliste. Thérèse, mon enfant, Thérèse, je t'interdis. Je ne veux même pas que tu les ramasses. Je veux qu'il les trouve là quand il rentrera, ces sales livres. Ah, excuse-moi, ma chérie. Vous avez pris le café? Certes. On est venu nous dire, monsieur vous fait dire de prendre les liqueurs sans lui. Alors, naturellement, nous commencions à les prendre. Bon. Mon cher monsieur Tarde, vous m'avez demandé hier si je pouvais vous prêter un habit. Oui, oui, Poulette, tu comprends, ton fiancé m'a dit qu'il en avait plusieurs. Alors, ma foi, j'ai pensé, mon mariage ne dure qu'un jour, en somme. La vie est si dure. D'un autre côté, un habit, je n'ai pas besoin d'aller tellement bien. Vos raisons sont excellentes, mon cher monsieur Tarde. Ne les énumérez pas une seconde fois. Cet habit est en ce moment sur votre lit, avec des chemises, des cols, des cravates. Voulez-vous aller voir si tout cela vous va? Oui, mais certainement, c'est certainement, mon cher futur gendre. Et en vous remerciant de tout cœur, dès que nous aurons pris les liqueurs, je me ferai une joie. Quel est votre liqueur préféré? Je comparais justement tout à l'heure la fine et l'armagnac. Et je vous avoue que j'étais hésitant. Bon, voilà le flacon de fine et voilà le flacon d'armagnac. Quel est votre verre? Oh, n'importe lequel. Allez. En voilà un. Pouvez-vous monter tout de suite dans votre chambre, essayer l'habit et prendre les liqueurs sans nous? Que dois-je comprendre? Mais cela exactement. C'est une sorte de congé, en somme, si je ne me trompe pas. C'est une sorte de congé pour un petit moment. Oui, oui, vous ne vous trompez pas. Mais avec 2 excellentes bouteilles, on va vous faire rappeler bientôt. Inutile d'insister, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi le fais-tu sortir? Voilà ce qui se passe, Thérèse. J'ai reçu ce matin une lettre anonyme. Reconnais-tu ce style? Je vous écris cette lettre car j'ai des révélations importantes à vous faire sur celle à qui vous voulez donner votre nom. Alors? Cette lettre était apportée par le garçon du café de la gare où le signataire de ces lignes attendait ma visite. Tu penses bien que cela m'a fait rire, tout simplement. Mais comme je ne voulais pas que quelqu'un puisse t'ennuyer, j'ai envoyé Hartmann au rendez-vous. Il a trouvé ta camarade de l'orchestre, la fille qui tenait le second violon. Et ma foi, il a pensé bien faire en la ramenant ici. Veux-tu la voir ou veux-tu que je la renvoie tout simplement? Je veux la voir. C'est bien. Je vais la chercher. Thérèse, vous êtes sûre que vous n'êtes pas en train de faire une bêtise? Je ne sais pas ce que vous voulez dire. Laissez-moi. Je suis un vieil égoïste, Thérèse, et j'ai laissé déjà mourir pas mal de gens. Mais il faut croire que vous, je vous aime bien. Cette fois, cela me paraît trop bête de vous laisser vous sauver ainsi devant le bonheur. Vous me dégoûtez tous avec votre bonheur. On dirait qu'il n'y a que le bonheur sur la terre. Eh bien oui, je veux me sauver devant lui. Eh bien oui, je ne veux pas me laisser prendre par lui toute vivante. Je veux continuer à avoir mal et à souffrir, à crier, moi. C'est extraordinaire, n'est-ce pas? Vous ne pouvez pas comprendre, n'est-ce pas? Qu'en savez-vous, Thérèse? Entrez, mademoiselle. Voilà ton ami, Thérèse. Nous allons vous laisser seule. Non, reste. Eh bien, parle. Tu as envoyé une lettre anonyme? Tu voulais parler, parle. Que voulais-tu dire? Tu veux que je te laisse seule avec lui? Tu as honte devant moi? C'est bien, je vous laisse. Non, Thérèse. À mon tour de te retenir. Il faut que tu restes, je ne veux rien entendre sans toi. Mais tu vois bien qu'elle a peur. Elle ne parlera pas devant moi. Alors elle ne parlera pas. Est-il si nécessaire, après tout, qu'elle parle? Oui, je le veux. Je veux qu'elle te dise ce qu'elle avait à te dire. Je veux que tu saches tout, Florent. Allons, parle, toi. C'est moi qui te demande de parler maintenant. Tu es devenue muette? Parle! Parle, parle, qu'est-ce que ça veut dire, parle? De dire ce que tu m'avais dit de dire? Ou de dire ce que tu m'avais dit de ne pas dire? Mais comment? Je suis venue, oui, mais je n'ai rien à dire. Cherche-en une autre, ma petite. Vous avez la voiture pour me ramener à la gare? Ah non, ce serait trop facile. Tu ne te figures pas que je vais te laisser partir comme ça. Tu es là pour dire quelque chose, ma fille. Dis-le, tu es folle, Thérèse, lâche-moi. Thérèse, je crois qu'il vaut mieux la laisser partir. Non, je veux qu'elle parle, je veux qu'elle la dise, cette saleté qu'elle porte avec elle. Regardez-la avec ses nippes et ses cheveux jaunes. Elle n'a même pas besoin de parler, elle l'a introduite ici, sa pauvre petite saleté, avec l'odeur de sa mauvaise poudre, avec sa cigarette au coin du bec. Allez, Jeannette, allez, la copine de la fille tarde, parle, parle donc. Mais qu'est-ce que tu attends pour parler, puisque tu es là pour ça, puisque c'est moi qui te le demande? Tu as peur? Non, mais si tu veux savoir, ça me dégoûte. Je veux pas passer pour ce que je suis pas. J'ai peut-être été jalouse de sa chance, comme les autres, quand vous l'avez emmenée. Mais de là à venir tout salir comme ça... C'est elle qui m'a écrit de venir. Imbécile, imbécile! Elle devait me donner l'argent du voyage, plus 300 francs. Pourquoi as-tu fait venir cette fille ici? Pour qu'elle te parle. Qu'est-ce que tu voulais qu'elle me dise? Oh, des horreurs, cher monsieur. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire de brigand? Qu'est-ce que tu voulais qu'elle me dise? Qu'est-ce que vous deviez me dire, vous? Et dites-le maintenant, puisque tout le monde vous le demande. Oh, ce n'est pas la peine de me faire mal au bras. Je ne demande pas mieux que de le dire, moi, si vous avez envie de l'apprendre. J'ai fait 300 kilomètres pour ça. Elle m'a écrit de venir vous dire qu'elle avait été la maîtresse de Gosta. Gosta? Oui, la maîtresse de l'amant de sa mère. Excusez du peu, cher monsieur. C'est effrayant. Pourquoi voulais-tu me faire croire cela? Tu as entendu? Tu as entendu? Excusez du peu, comme elle dit. Cela ne sert plus à rien, puisque tu sais maintenant que c'est moi qui l'ai fait venir. Mais je le lui ai fait dire quand même. Pour que tu entendes ces mots-là résonner ici. Pour que ta mère les entende dans son cadre. Et toutes tes vieilles tentes et tes fauteuils, ta maison, ton parc et tes roses, et ton vieux jardinier que je déteste, et tes vieilles bonnes et tes livres aussi, tes sales livres. En fait, de livres, on en écrase ici. C'est moi qui les ai jetés. Pourquoi? Pour rien. Thérèse, je veux que tu me dises pourquoi. Oh, tu peux me serrer avec tes grandes mains et me faire mal. Je ne te le dirai pas pourquoi. J'ai voulu que tu apprennes ce que j'aurais essayé de te faire croire si cet imbécile n'avait pas tout fait rater. Je veux que tu saches que j'ai jeté tes livres, que je crache sur le portrait de ta mère tous les soirs quand je passe ici. Que j'ai fait venir mon père, que je t'ai laissé lui donner de l'argent, que je l'ai fait boire et chanter des chansons exprès. Mais pourquoi j'ai fait tout cela? Pourquoi je vous déteste tous? Je ne te le dirai jamais, puisque tu n'as pas su te trouver toi-même. Mais Thérèse, c'était pas possible. Nous étions heureux tout à l'heure encore. Qu'est-ce que tu as? Tu étais heureux, pas moi. C'est épouvantable. Oui, c'est épouvantable. Mais tu trembles. Oui, je tremble. Je tremble d'être la seule ici qui ne sache pas sourire. La seule sale. La seule pauvre, la seule honteuse. Pourquoi pauvre? Pourquoi honteuse? Ce n'est plus la peine de me questionner, je ne te répondrai pas. Dites-moi, vous avez demandé la voiture tout à l'heure? Oui, mais je ne pars pas sans avoir parlé en particulier à Thérèse. On peut se foutre de moi, me faire 300 km pour rien, mais tout de même, je ne veux pas en être de ma poche par-dessus le marché. Venez donc, j'ai tout pouvoir pour régler cet aspect de la question. Comme ça, c'est régulier. Adieu, Thérèse. Et fais donc pas tant de manières, va. Tu as une bonne place, garde-la. Ah, oh, si c'était moi, cher monsieur. Oui, mais voilà, ce n'est pas vous. Tu avais de la peine, mon chéri, et je ne m'en doutais pas. Mon petit bonhomme qui voulait me faire croire qu'il était la maîtresse de l'amant de sa mère. C'était très compliqué ce que tu avais été chercher là. La maîtresse de l'amant de ta mère. Il me semble que si j'avais été une petite sotte qui tient absolument à avoir l'air noir comme la nuit, j'aurais tout de même trouvé quelque chose d'un peu plus vraisemblable. Ainsi, tu te figures que je vais te permettre d'avoir une peine que je ne connais pas. Tu te figures que je vais laisser une seule peine vivre de toi. Regarde-moi. Je ne crois pas à tes peines. Ce sont des folles. Et je suis plus fort qu'elles. Est-ce que je n'ai pas l'air plus fort que toutes les peines du monde? Regarde mes yeux. D'abord, qu'est-ce que tu m'as dit sur ma maison? Tu t'y sens pauvre? Tu t'y sens seul? Mes sales livres. Pourquoi mes sales livres? C'est en lisant ces sales livres que j'ai appris à t'attendre et à t'aimer depuis que j'ai 20 ans. Quand tu les connaîtras, tu les aimeras comme moi. On dirait qu'ils ont tous été écrits pour toi. Allons. Allons, remettons un peu d'ordre dans cette maison. Je vois que cette hostilité, au fond, c'est tout simplement parce que vous ne vous connaissiez pas très bien. Je vais vous présenter. Allez, donne-moi la main. Lève-toi que je te présente à ma maison, Thérèse. Qu'est-ce qu'il a, son Ocarina? Mais qu'est-ce que tu chantes? Une chanson de ma mère à moi. Pourquoi chantes-tu cette imbécilité? Parce que ma mère à moi est une femme dure et froide qui me faisait honte et qui me battait. Mais tu pleures! Thérèse, mon petit. Thérèse. Je te demande pardon, je suis une idiote. Donne-moi ton mouchoir. Je ne veux plus pleurer, c'est trop bête, Léla. Pourquoi pleures-tu? Je t'aime, tout le monde t'aime ici. Tout le monde est clair et bon et t'attend pour te rendre heureuse. Thérèse, ne te cache pas derrière tes yeux fermés. Il faut que tu me regardes et que je te console. Je pensais que c'était un caprice de petite fille, comme il y a 6 jours, parce qu'ils avaient tous cru que tu m'épousais pour mon argent. C'était tellement idiot que je me refusais à y attacher de l'importance. Thérèse, ce n'est donc pas seulement cela. Écoute, il va falloir me laisser partir. Dis, je ne te demande rien d'autre. Tu vois, je ne crie pas, je ne fais pas de scène. Il va falloir me laisser partir. Ah, tu es folle, Thérèse. Je ne te laisserai pas partir. Parce que je t'aime, et parce que tu m'aimes toi aussi, j'en suis sûr. Je ne sais quel orgueil, quelle méchanceté te déforme en ce moment le visage, mais je suis sûr que ce sont de mauvaises herbes qui vivent de toi et avec lesquelles tu n'as rien de commun. Tu peux te débattre, j'arracherai toutes tes mauvaises herbes, une par une. Mais tu vois bien que je te demande de te taire. J'ai honte d'être comme cela, mais je le serai toujours. Vous ne pouvez donc pas me laisser tranquille, tous. Tant pis pour les consignes, je n'y tiens plus. Regarde un peu l'allure de ton père, yep. Allez-vous-en tout de suite, vous. Non, reste, papa, j'ai besoin de toi. Lâche-le, Thérèse, qu'il nous laisse. Non, je ne lâcherai pas. Non, je ne lâcherai pas. Oh, je suis contente que tu sois descendue, papa. Je suis sauvée maintenant, tu es là. Tu es là. Remontez, je vous en supplie. Vous voyez bien que votre place n'est pas ici. Non, je ne veux pas qu'il remonte. Mais fichez dans le camp. Reste, papa. C'est que, fillette, je finis par me demander si je ne suis pas de trop. Ah, mais oui, vous êtes de trop. Partez. Non, papa, j'ai besoin de toi, reste. C'est que justement, si c'est grave, ça tombe mal dans ce costume. Oh, si, papa, reste. Surtout dans ce costume. Papa, mon cher petit papa. Oh, je suis bien contente que tu sois aussi sale, aussi ridicule, aussi vulgaire. Hé là, fillette. Je sais bien que tu plaisantes, mais tout de même, je suis ton père, ne l'oublie pas. Oh, je ne l'oublie pas, papa, je suis ta fille. Je suis la fille du petit monsieur aux ongles noirs et aux pellicules. Du petit monsieur qui fait de belles phrases, mais qui a essayé de me vendre un peu partout. depuis que je suis en âge de plaire. Qu'est-ce que tu racontes? C'est bien simple, je ne te comprends pas. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Oh non, je ne l'oublie pas, papa, que tu es mon père. Je n'oublie aucun des petits secrets sordides qui me lient à toi mieux que si je t'aimais. Mais si tu savais comme ils me sont doux aujourd'hui, ces secrets, comme ils me sont utiles. Ah, nous sommes bien tous les deux, papa. Nous nous comprenons tous les deux, hein? Nous ne nous faisons pas honte. Nous sommes de la même race, hein, tous les deux. Oh, bien sûr, petite. Je ne sais pas ce qu'elle a, vous savez. Tu ne dis plus rien. Tu sens que je suis loin de toi maintenant que je m'accroche à lui. Ah, tu m'as tiré à toi, tu sais, avec ta grande force. Et ma tête se cognait à toutes les pierres du chemin. Mais je t'ai échappé maintenant. Tu ne pourras plus jamais m'atteindre. Non, Thérèse. Tu te débats, mais tu ne m'as pas échappé. Si. Maintenant, je suis au désespoir. Je t'ai échappé, Florent. Je viens d'entrer dans un royaume où tu n'es jamais venu. Où tu ne saurais pas me suivre pour me reprendre. Parce que tu ne sais pas ce que c'est que d'avoir mal et de s'enfoncer. Tu ne sais pas ce que c'est que de se noyer, se salir, se vautrer. Tu ne sais rien d'humain, Florent. Ces rides, quelles peines les ont tracées. Tu n'as jamais eu une vraie douleur. Une douleur honteuse comme un mal qui suppure. Tu n'as jamais haï personne. Cela se voit à tes yeux. Même ceux qui t'ont fait mal. Non, Thérèse. Mais je ne désespère pas. Je compte bien t'apprendre un jour à ne plus savoir haïr toi non plus. Comme tu es sûre de toi. Oui, je suis sûre de moi. Et sûre de ton bonheur, que je ferai que tu le veuilles ou non. Comme tu es fort. Oui, je suis fort. Tu n'as jamais été laid, ni honteux, ni pauvre. Moi, j'ai fait de longs détours parce qu'il fallait que je descende des marches et que j'avais des bas troués aux genoux. J'ai fait des commissions pour les autres. Et j'étais grande, et disais merci, et je riais. Mais j'avais honte quand on me donnait des sous. Tu n'as jamais été en commission, toi. Tu n'as jamais cassé le litre et pas osé remonter dans l'escalier. Tu as bien besoin de raconter toutes ces histoires, par exemple. Oui, papa, j'en ai besoin. Je n'ai jamais été pauvre, non, Thérèse. Mais ce n'est pas ma faute. Allons, viens, papa. Remets ton chapeau de forme. Laisse-nous passer, s'il te plaît. Non, Thérèse. Elle est délicieuse. J'ai entendu que vous disiez cela avec Hartmann. Elle est délicieuse. Tu ne t'attendais pas à cela, hein? Cette haine qui me creuse le visage, cette voix qui crie, ces détails crapuleux. Je dois être laide comme la misère en ce moment. Ne dis pas non, tu es tout pâle. Les vaincus sont effrayants, n'est-ce pas? Pourquoi emploies-tu des mots si bêtes? Tu n'es pas un vaincu et surtout je ne suis pas un vainqueur. Tu es un riche, c'est pire. Un vainqueur qui n'a pas combattu. Mais tu ne peux pas me reprocher éternellement cet argent. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Oh, rien, Florent. Tu aurais beau le jeter tout entier au vent, par la fenêtre, en riant comme l'autre jour, que ma peine ne s'envolerait pas avec lui. Tu n'es pas seulement riche d'argent, comprends-le. Tu es riche aussi de ta maison de petit garçon, de ta longue tranquillité et de celle de tes grands-pères. Tu es riche de ta joie de vivre, qui n'a jamais eu à s'attaquer ni à se défendre. Et puis de ton talent aussi. Tu vois qu'il y a vraiment trop de choses à jeter par la fenêtre. Et ne crois pas que tu es un monstre, surtout. Tu m'as torturé, tu es bon, tu sais. Ce n'est pas ta faute, parce que tu ne sais rien. Tu ne sais rien! Tu comprends, puisque je lâche mon paquet aujourd'hui comme une bonne gonflante à la porte. Je veux te le crier une fois encore. C'est ce qui m'a fait le plus mal. Tu ne sais rien! Vous ne savez rien, vous autres! Vous avez ce privilège de ne rien savoir! Oh, je me sens grosse ce soir de toute la peine qui a dû serrer depuis toujours le cœur des pauvres quand ils se sont aperçus que les gens heureux ne savaient rien, qu'il n'y avait pas d'espoir qu'un jour ils sachent. Mais ce soir, tu sauras. Tu me sauras, moi au moins, si tu ne sais pas les autres. Allez, explique-lui, toi, papa, si tu en as le courage, toutes les pauvretés, toutes les bassesses qu'il n'a pas pu connaître et qui m'ont donné cette triste science à moi qui suis plus jeune que lui. Allons, explique, explique, dis-lui tout. Dis-lui quand j'avais 9 ans. Le vieux monsieur qui était si beau. Oh, elle est folle. C'était un ami de la famille. Elle ne sait pas ce qu'elle dit. Explique-lui aussi quand maman avait trop bu et qu'elle vomissait et qu'il fallait que je la soigne. Tais-toi, tu m'atterres, mon enfant. Dis-lui que ce n'était pas une invention si drôle ce que je voulais faire dire à Jeannette tout à l'heure. Et que maman m'a assez poussée à céder à Gosta pour pouvoir le garder. Ah, cela, je ne l'aurais jamais permis. Bien sûr, papa, mais alors dis-lui qu'à 15 ans, même pas, 14, j'ai eu un amant. Je te défends d'en dire plus long. Ne l'écoutez plus. Oui, j'ai eu un amant à 14 ans. Thérèse, halte-là. J'ai eu un amant à 14 ans, tu entends? Un garçon que je ne connaissais même pas, ma prise. Et je me suis laissée faire sans amour, sans être vicieuse. Par une veulerie, une résignation que tu ne comprendras pas non plus. Je ne l'ai vu qu'une fois. J'ai été enceinte. Quand je m'en suis aperçue, il y avait longtemps qu'il était parti. Je me suis délivrée toute seule dans ma chambre. Fillette ! Toute seule ! Et je me traînais à quatre pattes, enseignant ! Je te défends, fillette ! Adieu, Thérèse. Et je te demande pardon. Je ne savais pas. Mais tu pleures ? Tu pleures, toi ? Tu pleures à cause de moi ? Tu sais d'où pleurer ? Je pleure. Je te demande pardon. Tu n'es donc pas toujours heureux, toi non plus, malgré tes belles choses ? Non, tu vois. J'ai besoin de toi, Thérèse. Plus que toutes tes autres joies ? Plus que toutes mes autres joies. Alors rappelle-les vite. Elles ne me font plus peur maintenant. Je suis heureuse ! Je suis heureuse, papa ! Eh bien, Saperlotte, après une scène pareille, je me demande bien comment tu trouves le moyen d'être heureuse, toi. Je suis heureuse parce que tu vas t'en aller tout seul, papa. Avec tes deux valises de carton. Parce que je me suis enfin détachée de toi. M'en aller seule ? Et où cela ? Où tu voudras, papa, le plus loin possible. Mais je ne reviendrai pas pour la noce ? Non, papa ! Mais pourtant, un père, Fifi ! Non, papa ! Et tu restes, toi ? Oui, je reste, moi. Et je n'ai pas honte, et je suis forte. Et je suis fière, et je suis jeune. Et j'ai toute la vie devant moi pour être heureuse. Maintenant, vous la verrez votre content le jour du mariage. Tu as entendu, toi ? D'abord, qui t'a permis de nous suivre ? Tu sais bien que tu ne dois te montrer sous aucun prétexte dans le jardin des maîtres. Allez, file à ta cuisine et un peu vite. J'en demande pardon, madame. Elle nous a suivis sans qu'on s'en aperçoive. Elle se tenait bien à sa place pourtant jusqu'ici, cette petite... Ah oui, mais depuis quelque temps, je ne sais pas ce qui lui prend. Elle est toujours à rôder où elle ne doit pas. Oh, madame peut dire qu'elle ne vaut pas l'ancien souillon. Je demande pardon, madame, je vais y veiller. Dans une demi-heure, il fera nuit. Plus tendue, la traîne. Au moins ici, mademoiselle, nous pouvons juger de l'effet. Dans votre chambre, nous n'aurions jamais pu l'ajuster convenablement. Il faut que nous nous dépêchions si nous voulons prendre le train de 11h15. Moi qui vous attendais avec impatience, quelle idée de ne pas jouer au tennis. Oui. Si seulement il y avait de l'eau ici, qu'on puisse plonger quand cela va trop mal, ou faire du canot. Et pour comble d'ironie, je continue à recevoir d'Angleterre mes revues de rowing. Plus haut ton épingle, Léontine. Vous n'êtes jamais allée en Angleterre ? Non. Moi, je viens d'y passer 3 ans. J'étais dans un collège absolument merveilleux. Vous savez, on est très libre là-bas, très sport. Quelle différence de climat. C'est bien simple, je ne sais plus parler à mes amis qui sont restés ici dans les jupes de leur gouvernante ou de leur mère. C'est dommage que vos parents ne vous y aient pas envoyé. Passer 2 ou 3 ans de l'autre côté du Channel, il n'y a rien de tel pour faire connaître la vie à une jeune fille. Oh, il y a d'autres façons de la connaître, allez. Oh, naturellement. Mais en France, nous sommes trop tenus pour ne pas rester des cruches jusqu'à notre mariage. Ou alors, il y a un moyen, oui. Si les parents ne sont pas trop vieille école, c'est de travailler. Hélas, ne le peut pas qui veut. Ah, mademoiselle a malheureusement raison. Nous avons encore envoyé 50 ouvrières cette année chez Monsieur Lapérouse. Oh, ce n'est pas cela. Par relation, on peut toujours s'arranger pour trouver une place. Je parlais des parents. Il y en a qui voient encore le travail comme un déshonneur. Moi, je trouve cela absolument merveilleux, et vous ? Cela dépend. Il faudrait toujours faire quelque chose qu'on aime beaucoup, comme Florent. Mais non, je ne parle pas des artistes. Je parle d'un vrai travail, d'un job bien rétribué, dans une banque, une maison de publicité ou une compagnie d'assurance. Moi, de toute ma vie, je n'ai cessé de travailler. Crochet, dentelle ou autre. Et je m'en suis trouvée fort bien. Je ne suis pas de ces oisives qui pourraient rester les mains vides. J'ai 2 jardiniers, mais il m'arrive de tailler mes rosiers moi-même. Oh, le travail, c'est d'abord une discipline excellente, et en tout cas, ce qui est énorme pour une jeune fille, c'est l'indépendance complète. On regarde souvent la pendule, vous savez, dans un bureau ou dans un atelier. Chez nous, pour éviter cela, Monsieur Lapérouse a fait enlever les horloges et il défend d'apporter des montres. C'est la sonnerie qui règle tout. Je m'en vais voir mes rosiers avant qu'il fasse tout à fait nuit. J'ai une espèce extrêmement fragile qui m'a coûté les yeux de la tête et qui me tracasse beaucoup. Vous me rappellerez, Thérèse, pour la petite cape? Tu m'accompagnes, petit? Si vous voulez, mon tante. Tu vois? Eh bien, ces pauvres diables manquent toujours tellement de lainage en hiver que si tu avais voulu tricoter avec moi, j'aurais été jusqu'à 1000 francs par chandail. Je crois que cette fois, nous avons été tout près de l'intervention vengeresse. Moi, je suis sotte. Vous n'êtes jamais sotte, Thérèse. Il joue bien. Il est heureux, n'est-ce pas? Je m'applique. Il est heureux. Je veux croire en lui, Hartmann. Je veux croire en nous. Je veux comprendre, tout comprendre. Avant, je n'essayais jamais de comprendre. Je disais, je suis trop jeune, je comprendrai quand je serai vieille. Je voulais pouvoir me révolter de toutes mes forces. Maintenant? Maintenant? J'essaie. Mais pourquoi sont-ils si charmants, si clairs et si durs sans le savoir? Madame Bazin a toujours vécu dans ses belles maisons, avec ses rosiers et ses petits ouvrages. Marie est sûrement bonne et pure, mais je la sens tranchante comme du cristal. Elle me fait peur. Elle vient de sortir de son collège, sans honte, sans chair, avec ses 1000 idées toutes neuves. Et lui? Il est lui. Vous les avez écoutées tout à l'heure. Elles n'ont pas dit une mauvaise parole. Elles n'ont pas parlé une fois de leur intérêt ou de leur privilège. Et pourtant, comme tout ce qu'elles ont dit, avec la conscience que c'était juste et bon, était impitoyable. J'essaie de bavarder avec Marie, souvent. Rien ne devrait plus ressembler que deux filles du même âge. C'est cocasse, nous ne trouvons rien à nous dire. Madame Bazin me donne quelquefois des conseils sur la vie. C'est moi qui me sens une petite vieille à côté d'elle. C'est moi qui ai peur de lui en apprendre trop. Comme vous dites cela avec calme maintenant. J'ai tant crié. Oh, ces 6 jours, ces 6 horribles jours. Quelquefois dans moi, c'était comme un cheval qui se cabrait. Il s'est sauvé. Il court, il est loin déjà. Il ne faut pas le regretter, c'était sûrement une mauvaise bête. Ne dites pas cela, Thérèse. C'était un bon cheval, fier et noir, magnifique. Mais il ne faut pas regretter, non, de l'avoir laissé se sauver, puisque c'était le prix de votre bonheur. Ce sale bonheur qu'il voulait fuir de toutes ses forces, vous vous souvenez? Je suis sûr qu'il a déjà commencé à vous envelopper, à vous faire vivre ce sale bonheur. C'est vrai. J'ai besoin de leur chaleur maintenant qu'ils m'ont enlevé la mienne. Mais comme c'est une comédie étrange, leur bonheur. Il faut apprendre votre rôle. Je l'apprends de toutes mes forces. Je me sens déjà baignée de facilité, de douceur. Je me sens moins dure, moins pure aussi. Je sens la quiétude qui fait ses sur-ravages en moi, chaque jour, comme un vice. Je ne cherche plus le fond des choses. Je comprends, j'explique. J'exige peu. Je deviens sans doute aussi moins vulnérable. Bientôt, toutes mes peines seront parties se cacher en rampant sous des pierres. Et je n'aurai plus que des douleurs d'oiseaux, comme eux. Vous dites bientôt. Elles ne sont pas toutes parties encore? Chut. Écoutez comme ils jouent. Comme tout est facile quand ils jouent. Je suis comme un petit serpent qui a perdu toutes ses dents venimeuses. Je n'ai plus qu'à attendre de devenir vieille en l'écoutant jouer, comme cela. Écoutez. Chaque note remet quelque chose à sa place idéale. Ah, c'est une organisation merveilleuse et redoutable, Hartmann, que leur bonheur. Le mal devient un mauvais ange qu'on combat joyeusement pour se donner de l'exercice. Et qu'on terrasse toujours. La misère, une occasion de se prouver sa bonté en étant charitable. Le travail, comme disait l'autre tout à l'heure, un passe-temps agréable pour les oisifs. L'amour, cette joie lisse, sans sursaut, sans doute, sans déchirement. Écoutez comme il joue Hartmann, sans rien se demander jamais. Je ne suis qu'une joie parmi ses autres joies. Dès qu'il a cru qu'il m'avait enfermée dans son bonheur, sa petite larme versée, il n'a plus jamais douté de rien. Il est sûr de moi comme de toute chose. Moi qui suis si peu sûre de moi pourtant. Il vous aime, Thérèse. C'est bien de m'aider, Hartmann. Laissez-vous aller. Vous verrez, il dispense 1000 bonheurs autour de lui si on le sait le recevoir humblement. Peu à peu, un étrange travail se fera en vous. Laissez-vous aller. Vous finirez par penser à leur manière, tout naturellement. J'ai été un être humain révolté, moi aussi. Mais les jours clairs sont passés sur moi, l'un après l'autre. Vous verrez, peu à peu, vous arriverez à ne plus avoir mal du tout. À ne plus rien exiger d'eux qu'une petite place dans leur joie. Mais c'est un peu comme si on était mort. Un peu. Moi, je l'aime, je veux bien être une morte près de lui. Mais vous, Hartmann, il m'a dit que vous étiez riche, que vous pourriez vous passer d'être son impresario. J'aime le Dieu qui habite ses mains. Ce qu'il faut, c'est ne jamais penser qu'il y en a d'autres qui vivent, qui se battent, qui meurent. Je resterai toujours ici. Et quand je sortirai, ce ne sera qu'avec eux, dans leurs beaux trains, dans leurs hôtels aux hôtes polis. N'est-ce pas, Hartmann ? Oui, Thérèse. Je ne poserai jamais les yeux qu'aux endroits où ils posent les leurs, sur les fleurs, sur les belles pierres, sur les bons visages. Et je deviendrai facile et claire comme eux, sans plus rien savoir. Sans plus rien savoir, Hartmann. C'est cela qui doit être bon, de ne plus rien savoir. Oui, Thérèse. C'est un truc pour les malins, le bonheur, pour les habiles. Mais soyez tranquille, j'apprendrai moi aussi. Oui, Thérèse. Vous aussi. Mademoiselle, c'est monsieur votre père qui vient d'arriver. Mon père ? Oui, mademoiselle, il a l'air affolé. Il est venu en taxi de la gare, il dit qu'il faut que mademoiselle le reçoive tout de suite. Je vous laisse, Thérèse. Si vous avez besoin de moi, je veille tard à ma fenêtre le soir. Eh bien, qu'est-ce qu'il y a ? C'est horrible ! Qu'est-ce qui est horrible ? Je t'avais défendu de venir ici. Je te dis que c'est horrible. Ta pauvre mère ! Qu'est-ce qu'elle a ? Oh là là ! Mais parle donc, elle est blessée, morte ! On peut s'en faut. Elle est tombée sur le coin du piano. C'est pour cela que tu viens. Mauvaise fille. Elle est tombée sur la tête à demi assommée. Et pourquoi ? Tu sais pourquoi ? C'est un homme bafoué qui te parle. Elle avait un amant. Comment ? Gosta ! Mais voilà 13 ans que tu le sais. Mais j'étais seule à le savoir. Maintenant tout le monde le sait. Une scène publique, un esclandre horrible à l'orchestre, une discussion épouvantable. En te parlant, ton père sent le rouge de la honte qui lui monte au visage. Gosta lui a donné un coup de poing. C'était à cause de toi, naturellement. Moi, j'étais absent, Dieu merci. Quand je suis sorti des cabinets... Tu étais caché dans les cabinets. Pourquoi caché ? J'y étais par hasard. Quand je suis sorti des cabinets, il était parti. En plein concert, encore une fois. Ta mère revenait à elle. Il paraît qu'il lui a dit qu'il allait tuer ton fiancé. Il a pris son revolver. Tu sais quel homme je suis. J'ai sauté en taxi, le train, un second taxi. J'ai 17 francs pour le premier taxi. 80 francs pour le train. C'était un rapide et il n'y avait que des premières et des secondes. Le second taxi depuis la gare, 25 francs. Il attend à la porte. Dans ma précipitation, je n'ai pas pris un sou sur moi. Le compteur marche. Si tu peux me donner, je vais toujours régler. Je te donnerai ton argent, tais-toi un peu. C'est que le compteur tourne, fillette. Laisse-le tourner. Gosta a été très malheureux depuis que je suis partie. Un déchet. Il n'arrête plus de boire. Il ne se battait même plus avec ta mère. C'est te dire. Pourquoi es-tu venu, papa ? Ce n'est déjà pas si commode, tu sais, d'arriver à être heureuse. Mais tu es drôle, fillette, si je suis venue malgré le danger et la dépense. C'est que j'ai pensé que c'était mon devoir. Si tu peux me donner 17 francs plus 80 francs plus 15... Tiens, voilà 200 francs, tais-toi. C'est qu'il y a le retour, ma petite fille. Tiens. Mais tu sais que tu me donnes trop maintenant. Oh, je n'ai pas de monnaie sur moi. Faudra-t-il que je te renvoie le reliquat par mandat poste ? Je te redois une soixantaine de francs. Il pleurait, papa. Comme un veau, fille. comme un veau. Enfin, comme un homme désespéré. Ah, alors qu'espère-t-il? Quand il aura tiré ses coups de revolver ici, qu'il atteigne ou non ton fiancé, où en sera-t-il? Quel avantage cela lui aura-t-il procuré? Celui de me perdre enfin d'une façon irrémédiable, papa. Celui d'être enfin arrivé tout au bout de son mal. Vous ne le savez pas, vous autres. Mais tout au bout du désespoir, il y a une blanche clairière où l'on est presque heureux. Un drôle de bonheur? Oui, papa, un drôle de bonheur. Qui n'a rien de commun avec votre bonheur à vous. Un affreux bonheur. Un sale, un honteux bonheur. Mais je n'en veux plus! Je n'en veux plus de celui-là, papa! Je veux être heureuse, moi aussi! Je veux être heureuse comme les autres! Je ne veux plus rien savoir de vous! Mademoiselle, c'est encore un monsieur qui vous demande. Un monsieur comment? Un monsieur comment, nom de Dieu? Un monsieur comment? C'est moi, Thérèse. Laissez-nous. Où est ton fiancé? J'ai à lui parler. Oh non, pas moi! Pas moi, Gosta! Je n'ai rien fait! Moi, je suis là par hasard! Par hasard, tout à fait par hasard! Au secours! Ta gueule, toi! C'est ça, ma gueule, tu as raison, Gustav, ma gueule, je n'y suis pour rien, je n'ai qu'à me taire. Où est ton fiancé? Sors ta main de ta poche, Gustav. Où est ton fiancé? Il faut que je lui parle. Sors ta main de ta poche. Tu entends, je t'ordonne de sortir ta main de ta poche. C'est cela, qu'il sorte la main de sa poche. Où est ton fiancé? Thérèse, je te dis qu'il faut que je lui parle. Sors ta main de ta poche, je le veux. Sors ta main de ta poche et donne-moi ce revolver. Sois prudente, fillette, sois prudente. Laisse-moi, Thérèse. Tu me le donneras. Mais laisse-moi, bon Dieu. Ne te débat pas, tu vas me blesser. Lâche-le, Gosta, ou je me fais partir le cou dans le ventre. C'est cela que tu veux, n'est-ce pas? C'est cela que tu veux? Là. Ouf. Regarde-moi maintenant. Non. Regarde-moi, Gosta. Quoi? Tu voulais le tuer? Oui. Pourquoi? Réponds, pourquoi? Je ne sais pas. Alors ça, c'est magnifique. Il ne sait pas. Donne-moi ce pétard, fillette. Donne-moi ce pétard. Je suis une brute d'être venue, Thérèse. Appelle ton fiancé pour qu'il me flanque à la porte avec un coup de pied au derrière. Je ne mérite pas autre chose. Je ne veux pas qu'il sache que quelqu'un s'est cru assez de droit sur moi pour venir me faire une scène. Va-t'en tout seul. Tu as raison. Je ne vaux même pas la peine d'aller se clandre. Je ne t'aime pas, Gosta. Je ne t'ai jamais aimé. Même si je ne l'avais pas rencontré, lui, je n'aurais jamais pu t'aimer. Est-ce que tu as pensé cela en venant ici? Oui, je l'ai pensé. Et tu es venu quand même? Voilà une demi-heure que j'hésite devant la grille. Pourquoi es-tu entré? Je ne veux pas te voir. Je suis heureuse ici, tu entends? Je suis heureuse et je l'aime. Je ne veux plus avoir affaire avec ta peine et ta misère. Je l'aime, tu entends, Gosta, je l'aime! Qu'est-ce que tu es venu faire ici avec ton malheur à bout de bras? Et d'abord, pourquoi te permets-tu de sourire quand je te dis que je l'aime et que je suis heureuse? Tu l'es, Gosta. Tu es paresseux. Tu disais toujours que tu aurais pu mieux faire que les autres, mais tu n'as jamais rien fait. Non, Thérèse. Tu bois parce que quand tu es saoul, il te semble que tu pourrais faire quelque chose. Et tout ton argent y passe. Tu n'as plus un costume à te mettre. Et de cela aussi tu es fière. Parce que tu crois qu'un veston troué au cou et plein de taches, c'est la défroque du génie. Eh bien, ce courage, cette force dont tu te crois plein, ce serait peut-être d'essayer de ne plus boire et de t'acheter des souliers, Gosta. Fifi, ne l'exaspère pas. Tes mains tremblent sur le clavier. Tu accroches les notes de plus en plus, n'est-ce pas? Eh bien, ton amour, ton grand amour de la musique, ce serait peut-être de ne plus boire pour te guérir et de travailler tous les jours, Gosta. Oui, Thérèse. Ton amour pour moi, ça aurait peut-être été aussi de ne pas venir. Tu as pris ce revolver et tu t'es mise en marche en te croyant injusticier. Eh bien, ta justice, je vais te dire ce que c'était, moi, si tu ne l'as pas compris tout seul. C'était ta haine. Ta haine de rater pour tout ce qui est plus beau, plus réussi que toi. C'est pas vrai, Thérèse! Si, c'est vrai. Et tu crois que je ne sais pas tout ce que tu penses? Tout ce que tu penses, je le sais! Je le sais mieux que toi, Gosta! Quel orgueil! Quelle vanité odieuse! Je veux bien te plaindre d'avoir pitié de toi. Mais si tu as cru que notre misère, notre poisse, notre crasse étaient des titres de noblesse, tu t'es trompé! C'est toi qui dis tout cela, Thérèse? Oui, c'est moi, oui. Qu'est-ce que tu as à me dire encore? Rien, Thérèse. Tu as raison. Alors va-t'en. Allez-vous-en tous les deux. Je veux être heureuse et ne jamais plus penser à vous. Vous êtes malheureux, mais ça m'est égal. Je m'en suis tirée, moi. Vous êtes laid, vous êtes sale. Vous êtes plein de sales pensées. Et les riches ont bien raison de passer vite à côté de vous dans les rues. Allez-vous-en. Allez-vous-en vite, que je ne vous vois plus. Mais allez-vous-en donc, vous voyez bien que je n'en peux plus de vous porter dans mon cœur. Qui est-ce qui joue là? C'est lui. C'est de lui ce qu'il joue? Oui, c'est de lui. Comment peut-il faire? Il fait tout comme cela, Gosta. Sans se donner de peine, sans rater, sans recommencer. Sans souffrir. Comment peut-il faire, Thérèse? Moi, je cherche, j'efface, je rature et tout s'échappe entre mes mains. Il faut que tu nous oublies, petite. Je comprends maintenant qu'on n'aurait jamais dû revenir te montrer nos sales têtes. Mais cela ne va plus être long. On va passer dans le jardin. Tu vas nous voir marcher encore jusqu'à la limite de la lumière et puis après, tu ne verras plus que la nuit. Ce sera fini. On sera mort et tu pourras enfin être tranquille. Thérèse, un jour, plus tard, si la conversation s'y prête, tu lui diras que j'étais venu pour le tuer et puis que je suis reparti. Tu lui diras aussi, fillette, que j'ai bien repensé à cette histoire d'argent et que je tâcherai de lui en rendre une partie. Allons, filons maintenant, nous deux. On n'a pas besoin de nous voir ici. Voilà, je vous ai fait attendre, mademoiselle, je vous demande pardon. Nous allons nous dépêcher d'ajuster la petite cape pour que vous puissiez juger de l'effet de l'ensemble. Sans elle, on ne peut rien voir. Aide-moi, toi, voyons. Cela va être sans doute une très belle cérémonie. Très belle, oui. Quelle est la couleur des demoiselles d'honneur? Rose. Oh, monsieur Lapérouse a été navré de ne pas être chargé de leur robe. Je dois dire qu'il avait une idée extrêmement séduisante. Mais il a très bien compris les scrupules de mademoiselle France. Elles sont 6, je crois. 6, oui. Cela va être délicieux. On arrive à faire des cérémonies d'un style tout à fait spécial et réellement exquis dans ces petites églises de campagne. Il y aura sans doute des petits-enfants pour la traîne. On aime tant cela de nos jours. 4 petits-enfants. Comme cela va être joli. Et puis les fleurs, la musique. Vous allez sans doute faire un très beau voyage après. Oh, je suis extrêmement indiscrète, pardonnez-moi. La Suisse et l'Italie. La Suisse et l'Italie. Croyez-moi, c'est classique, mais c'est ce qu'il y a de plus beau. Quel merveilleux bonheur. Quel merveilleux bonheur, oui. Écoutez, laissez-moi seule un instant, s'il vous plaît. Laissez-moi seule. Mais mademoiselle... Laissez-moi, dites, laissez-moi. Elle va très bien, cette robe, laissez-moi. Mais mademoiselle, nous n'avons pas fini l'essayage et notre train est dans une demi-heure. Je vous assure qu'elle va très bien. Et puis cela n'a pas tellement d'importance. Montez à la lingerie, je vous rejoins. Je vous rejoins, je vous assure que je vous rejoins. Et je fais tout ce que vous voulez après, mais laissez-moi. Laissez-moi un peu. C'est comme mademoiselle voudra. Nous finirons tout cela là-haut. À qui parlais-tu, Thérèse? Je te cherchais. Où vas-tu, ma chérie? Je voulais faire un petit tour d'une minute dans le parc. Tu as mis ton manteau, mais il fait chaud. J'ai un peu froid. Ah, tu sais, j'ai arrêté avec Hartmann tous les détails de notre voyage cet après-midi. Cela a été très compliqué. Je voulais t'emmener dans tous les endroits que j'avais aimés. Nous ne serions jamais revenus de ce voyage. Pourtant, je sais déjà un rocher au bord du lac de Lucerne où il faudra que tu viennes t'asseoir avec moi, le matin avant que le soleil soit tout à fait levé. Je sais aussi le portrait d'une petite princesse de la Renaissance qui te ressemble et que nous irons voir ensemble au musée des Offices. Oui, mon chéri. Ah, je suis heureux ce soir. Il fait si beau. Et toi? Moi aussi, mon chéri. Tu travaillais? Tu as écouté? L'entente vient bien. Va jouer encore, mon chéri, s'il te plaît. Tu m'écouteras du jardin? Oui, mon chéri, va vite jouer. Tu en meurs d'envie, je le vois à tes yeux. Oh, cela vient bien, tu sais. Je suis heureux. Oui, mon chéri. Tu comprends, Florent. J'aurais beau tricher, fermer les yeux de toutes mes forces, il y aura toujours un chien perdu quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. Tu sais... Et elle part, toute menue, dure et lucide, pour se cogner partout dans le monde. D'entendre La Sauvage de Jean Anouilh avec Geneviève Niche dans le rôle de Thérèse, Christian Ril Florent, Jacques Boyer Monsieur Tarde, Michel Manet Madame Tarde, Georges Bertaine Gosta, Fernand Kint Hartmann, et les voix de Sigismond Blazinski, André Duhamel, Josette Emsen, Rosette Jourdain, Janine Mazingue, Marie Mourier, Yvonne Nice. Bruitage, Michel Vervard. Prise de son, Bernard Pouille. Assistante, Catherine Kless. Réalisation, Jean-Pierre Collat.